Donc, je me propose de vous parler de la question animale en tant que question politique. Humans are purely herbivores. To deny an animal's inherent right to fly, swim, or run free is cruel and dishonest. Cheval, cheval, tu cours comme un fou. Tu cherches à nous servir, envers et contre tout. La crinière de feu, ébouille nos combats de jeu. She went with a jumpity jump, drop.